Marc chapitre 2. Quelques jours après, il revint à Capernaüm, et on ouït dire qu'il était dans la maison. Et aussitôt il s'y assembla beaucoup de gens, tellement que l'espace même d'auprès de la porte ne les pouvait contenir, et il leur annonçait la parole. Et quelques-uns vinrent à lui, portant un paralytique, qui était soutenu par quatre personnes. Mais parce qu'ils ne pouvaient approcher de lui à cause de la foule, ils découvrirent le toit du lieu où il était, et l'ayant percé, ils descendirent le petit lit dans lequel le paralytique était couché. Et Jésus ayant vu leur foi, dit au paralytique, « Mon fils, tes péchés te sont pardonnés. » Et quelques scribes qui étaient là assis, raisonnaient ainsi en eux-mêmes. « Pourquoi celui-ci prononce-t-il ainsi des blasphèmes ? Qui est-ce qui peut pardonner les péchés, que Dieu seul ?» Et Jésus ayant aussitôt connu par son esprit qu'ils raisonnaient ainsi en eux-mêmes, il leur dit, « Pourquoi faites-vous ces raisonnements dans vos cœurs ? Car lequel est le plus aisé, ou de dire au paralytique, « Tes péchés te sont pardonnés », ou de lui dire, « Lève-toi, et charge ton petit lit, et marche ?» Mais afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a le pouvoir sur la terre de pardonner les péchés, il dit au paralytique, « Je te dis, lève-toi, et charge ton petit lit, et t'en vas en ta maison. » Et il se leva aussitôt, et ayant chargé son petit lit, il sortit en la présence de tous, de sorte qu'ils en furent tous étonnés, et ils glorifièrent Dieu, en disant, « Nous ne vîmes jamais une telle chose. » Et Jésus sortit encore vers la mer, et tout le peuple venait à lui, et il les enseignait. Et en passant, il vit Lévi, fils d'Alphée, assis dans le lieu du péage, et il lui dit, « Suis-moi. » Et Lévi s'étant levé, le suivit. Or il arriva que, comme Jésus était à table dans la maison de Lévi, plusieurs péagers et des gens de mauvaise vie, se mirent aussi à table avec Jésus et ses disciples, car il y avait là beaucoup de gens qui l'avaient suivi. Mais les scribes et les pharisiens voyant, qu'il mangeait avec les péagers et les gens de mauvaise vie, disaient à ses disciples, « Pourquoi est-ce qu'il mange et boit avec les péagers et les gens de mauvaise vie ?» Et Jésus ayant entendu cela, leur dit, « Ceux qui sont en santé, n'ont pas besoin de médecins, mais ceux qui se portent mal, je ne suis point venu appeler à la repentance les justes, mais les pécheurs. » Or les disciples de Jean et ceux des pharisiens jeûnaient, et ils vinrent à Jésus, et lui dirent, « Pourquoi les disciples de Jean, et ceux des pharisiens jeûnent-ils, et tes disciples ne jeûnent point ?» Et Jésus leur répondit, « Les amis de l'époux peuvent-ils jeûner, pendant que l'époux est avec eux, tandis qu'ils ont l'époux avec eux, ils ne peuvent point jeûner. Mais les jours viendront que l'époux leur sera ôté, et alors ils jeûneront en ces jours-là. Aussi personne ne coud une pièce de drap neuf à un vieux vêtement, autrement la pièce du drap neuf emporte du vieux, et la déchirure en est plus grande. Et personne ne met le vin nouveau dans de vieux vaisseaux, autrement le vin nouveau rompt les vaisseaux, et le vin se répand, et les vaisseaux se perdent, mais le vin nouveau doit être mis dans des vaisseaux neufs. » Et il arriva que comme il passait par des blés un jour de sabbat, ses disciples en marchant se mirent à arracher les épis. Et les pharisiens lui dirent, « Regarde, pourquoi font-ils ce qui n'est pas permis les jours de sabbat ?» Mais il leur dit, « N'avez-vous jamais lu ce que fit David, quand il fut dans la nécessité, et qu'il eut faim, lui et ceux qui étaient avec lui ? Comment il entra dans la maison de Dieu, au temps d'Abiathar, principal sacrificateur, et mangea les pains de proposition, lesquels il n'était permis qu'aux sacrificateurs de manger, et il en donna même à ceux qui étaient avec lui. Puis il leur dit, « Le sabbat est fait pour l'homme, et non pas l'homme pour le sabbat. » De sorte que le Fils de l'homme est Seigneur même du sabbat.